Chapitre 235. Les récompenses réservées dans l'au-delà à certaines catégories de martyrs, dont le corps est lavé et sur lesquels on prie, contrairement à ceux morts au combat. 1353. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il y a cinq catégories de martyrs. Ceux qui meurent de la peste, ceux qui meurent d'une maladie du ventre, ceux qui meurent noyés, ceux qui meurent ensevelis sous des décombres, et enfin, ceux qui meurent en martyrs dans le sentier d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 1354. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: qui considérez-vous comme un martyr? Celui qui est tué pour la cause d'Allah, répondirent les compagnons. Auquel cas, les martyrs de ma nation seraient peu nombreux, fit-il remarquer, alayhi salatu wassalam. Ô messager d'Allah, qui alors? Interrogèrent-ils. Celui qui est tué dans le sentier d'Allah est un martyr, tout comme celui qui meurt accidentellement ou naturellement alors qu'il se trouve dans le sentier d'Allah. Celui qui succombe à la peste, à une maladie du ventre, ou celui qui meurt noyé. Muslim. 1355. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque est tué en voulant se défendre meurt en martyr. Al-Bukhari et Muslim. 1356. Abu al-A'war, Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, l'un des dix compagnons promis au paradis, radiyallahu anhum, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: celui qui est tué en défendant ses biens, en se défendant lui-même, en défendant sa religion ou sa famille, meurt en martyr. Abu Daoud et At-Tirmidhi qui a dit: hadith Hassan Sahih. 1357. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et demanda: ô messager d'Allah, imagine qu'un homme veuille me prendre mes biens. Il répondit, alayhi salatu wassalam, ne le laisse pas faire. L'homme poursuivit: et s'il veut les prendre de force? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: alors défends-toi. L'homme ajouta: et s'il me tue? Il répondit, alayhi salatu wassalam, tu mourras alors en martyr. L'homme dit: et si je le tue? Il ira en enfer, conclut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Muslim.